Et défensif. Mes regards allongent mon verbe, mais plus l'horizon se rapproche, plus ma vue baisse, l'intensité est motive. Plus ma vue baisse, reculez plus encore, augmentez volontairement les risques pour avancer ne serait-ce que d'un pouce et préserver le privilège de m'auto-stopper un jour. Triste. Les mots salines en mauvais désordre. Triste. En petites notes de plaisir, des clichés puni. Ils serpentent entre les fanions de ma tête et grisent mes parties sensibles. Détruisant par indifférence ou nuisible tous les paliers faciles qui dominent la piste. S'il le faut, comme une avalanche, me débattre à l'arrivée, cet espoir balistique. Des camisoles de force, des faux instantanés d'or et d'argent. Son masque de fer blanc, cela même sculpte mon visage. Henri de sang vent, sans vent violent qui pousse l'âge ingrat à devenir idiot. Je reste là, à ne dire. Je n'entends même plus l'écho du silence. Silence. L'écriture masque la parole, idem pour la parole donnée. Même s'il n'était pas formulé, je vais louer un cœur muet. On devient si vite à faune. Je vais louer un cœur muet. On devient si vite à faune.